Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Jimmy Thibodeau se bandera à nous parler d'actualités intéressantes dans C'est dans le monde que ça se passe. Et Gabriel Béhout se glissera dans la peau d'un joueur d'impro dans les coulisses de la lutte. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 23 février 2016, 63 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est sur la chanson instrumentale version acoustique de Valès Pariétaire. Pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Comment ça va, Tania? Ça va très bien. J'ai passé une belle soirée hier. J'ai beaucoup étudié. Mais oui, ça a bien été. Mon cerveau est vraiment beaucoup trop plein ce matin. mais écoute, ça va bien, ça va bien. Tel des tics ce matin, tu vas sortir des affaires de marketing par rapport pendant toutes les chroniques. Là. Bon, c'est ça, peut-être. Comme un coup de coude. Pendant ma chronique, ça n'aura aucun rapport, puis peut-être que je vais en sortir dans ce... Ça pourrait être drôle. J'ai essayé de contrôler mon cerveau. C'est bien, c'est bien. Donc, à 8h aujourd'hui, Jimmy Thibodeau va être là pour sa chronique « C'est dans le monde que ça se passe ». On parle de l'actualité internationale passée sous le radar, donc un petit peu plus, underground et alternatif comme actualité habituellement. Ensuite, à 8h30, Gabriel Béhoud et sa chronique « Dans les coulisses de la lutte ». On va parler du match d'hier entre les Verts et les Oranges. Et à 9h, on va voir Louis-Philippe Quentin du Journal Zone Campus pour parler d'actualité qui se passe sur le campus et un petit peu plus large à Trois-Rivières en termes d'art et spectacle et de sport. Oui. Évidemment. Donc ça, c'est l'émission d'aujourd'hui. Ta collègue à toi, Talia Esgola-Titania. Je vais vous parler un petit peu de santé. Hier, j'avais discuté un petit peu de... Je me souviens de même... De sommeil et de... D'épuisement. D'épuisement. J'avais parlé aussi un petit peu, vraiment très peu d'urine dans tout ça. Mais ce matin, je vais vous parler de santé, mais par rapport à votre urine. Faut peut-être essayer de te battre, comme un concours de piste. Tout le temps. Tout le temps en train de se battre. Malheureusement, moi, je peux pas écrire mon nom dans la neige. Non, un jour peut-être. Un jour peut-être. La technologie se rendra jusque-là. Yes. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Commençons en musique, comme on le fait toujours avec une pièce, dans ce cas-ci, de Aaron. On a eu une personne du groupe hier en entrevue avec David Ferron. Et comble du hasard, les voilà en train de nous jouer la chanson Blouson Noir. Que l'on a entendue hier. À Assemblage Reiki. Tu parles d'une affaire, toi. Hey. C'est comme si c'était prévu. Peut-être. Reflection of my heart. C'était le duo Aaron avec Blues en Noir, Assemblage requis. Et si vous, ça vous intéresse, en fait, David Ferron a fait une entrevue avec eux hier. C'est dans la balado de l'émission du lundi 22 février 2016. D'Assemblage requis sur assemblagerequis.com. Et maintenant, ben, tu sais, une des deux parties principales d'Assemblage requis, à part moi, mettons, c'est Tania Beaudin. Oh, ah ouais? Voici, oh oui, avec Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain. Salut Tania! Bon matin! Hello! Aujourd'hui on parle de médecine. Ouais! Des trucs vraiment scientifiques. T'as sorti ton dictionnaire des définitions médicales. Ouais, c'est ça. J'étais encore en train de chercher quelques termes médicaux qui étaient malheureusement pas traduits en français c'est dans ça. Le texte. Et demande-moi pas ça à moi parce que tu m'as demandé littéralement c'était quoi kidney. Et tu sais très bien qu'une des choses qui est un running gag assez fou, c'est bien ma traduction des termes kidney, lung et l'autre. Là. C'est vrai, t'as bien raison. Poumon, foie et l'autre. Mm-hmm. Je suis pas capable d'y retenir. Poumon, lung. Ouais. Kidney, foie, rein. Rein. Puis le foie, foie. Attends, liver. Ben oui. Liver. Voilà. Mais tu vois, ces trois-là, là, c'est comme Tom et Jerry, je sais jamais c'est lequel qui est lequel. Faudrait que tu les associes, je sais pas pourquoi. Faudrait que tu te fasses comme une image dans ta tête. Ouais, peut-être. Comme ouais. Une histoire ou je ne sais quoi. Ouais, faudrait. Une petite chanson, faudrait. Là. Ouais. Ça aiderait peut-être. On va composer ça, moi, une chanson là-dessus. Ouais, c'est aussi bon que ton intro de chronique. Hey, presque. Bref, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui finalement? Mais comme je vous l'ai dit, j'allais vous parler de la santé, un petit peu plus dirigée vers l'urine exactement. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis tombée sur un article sur CNN l'autre soir qui parlait justement des différents types d'urine que l'on a. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que ça nous est tous déjà arrivé, exemple, un matin, de se lever, d'aller à la toilette et de faire comme « wow ». C'est vraiment jaune. Il y a ou... plusieurs sortes de « wow ». Ou encore, ça sort vraiment, vraiment fort, puis t'as comme plein de mousse dans la toilette. Exactement. Donc, qu'est-ce que ce genre de symptômes-là par rapport aux couleurs de l'urine veulent dire exactement pour le côté médical de la chose? Oui, c'est important. Ben oui, c'est important parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner super bien avec votre corps, eh bien, en temps normal, votre corps va vous lancer des signes pour vous mettre à l'alerte d'aller consulter votre médecin. Ouais. Et l'urine est une des choses qui est le plus utilisée par le corps pour indiquer que quelque chose ne va pas nécessairement bien. You're in trouble! You're in trouble. Donc, ça se pourrait. Ouais. Donc, je vais tout simplement commencer par l'urine très, très claire. On la voit pas, là. On la voit presque pas. C'est ouais, c'est presque transparent. C'est comme de l'eau. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a certaines personnes qui vont penser que, oh mon Dieu, ils s'hydratent beaucoup trop. OK. En fait, c'est plus ou moins la vérité. Il faut savoir que oui, on entend plusieurs fois dire qu'un minimum de 8 verres d'eau par jour, c'est le minimum que l'on devrait boire pour rester bien hydraté et que c'est important de boire ces 8 verres-là, peut-être même plus, par jour. Par contre, sachez que il y a une médecin qui s'appelle Jane Miller, qui est docteur, pas médecin, mais bien docteur, à l'Université de Washington, dans la section d'urologie, qui dit que c'est simplement parce que vous êtes trop hydraté. Donc, votre urine est tout simplement rendue presque de la même couleur de l'eau parce que vous buvez un montant, je ne veux pas nécessairement dire montant, mais une quantité d'eau assez incroyable par jour, ce qui fait tout simplement que votre urine va changer de couleur. Donc, il ne faut pas se rendre jusqu'à transparent. Bien, partez pas en peur parce qu'en fait, avoir l'urine de cette couleur-là, qui n'est pas nécessairement jaune, mais qui va plus découler vers la couleur de l'eau, qui va être très claire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. OK. Cette sorte de couleur-là, c'est tout simplement pour vous avertir que, vous avez bu trop d'eau dans votre journée. OK. Pas trop d'eau, mais vous avez bu plus d'eau que la normale. Ouais. C'est pas mauvais. Alertez-vous pas pour ça. Okay. Ce genre de couleur-là, c'est simplement parce que votre corps est en train d'éliminer le trop plein d'eau que vous avez bu. C'est bon de boire 8 verres d'eau par jour, n'allez pas dire le contraire, là. Allez pas faire le contraire à la suite de la chronique, mais c'est sûr que vous allez passer plus de temps à la toilette et que oui, nécessairement, votre corps va l'éliminer plus rapidement et c'est pour ça que ça va être clair. Okay. La deuxième sorte de couleur que l'on peut voir dans notre cuvette de toilette, eh bien, c'est le jaune pâle. Oui. Le jaune qu'on appellerait normal, comme en fait. On voit la plupart du temps. Ouais. Exactement. Eh bien, sachez que ça, c'est tout simplement parce que c'est le but. C'est la couleur que l'on veut atteindre. C'est si notre corps est bien hydraté, s'il n'y a aucun problème avec nous, eh bien, notre couleur d'urine devrait être, en théorie, jaune pâle. OK. Il n'y a aucunement une alerte à faire avec ce genre de couleur d'urine-là. Vous êtes en bonne santé, tout devrait bien aller. Du côté de l'urine, là, du côté du système urinaire, tout ça, ça va bien. Donc, partez pas en peur si c'est la première fois que vous voyez votre urine jaune pâle. C'est peut-être que vous avez changé quelque chose à votre alimentation ou vous buvez plus d'eau que d'habitude. Peut-être que vous faites simplement plus vous hydrater. Donc, de ce côté-là, votre corps s'habitue et vous allez voir, ça va devenir jaune pâle. Et là, vous êtes rendu dans la bonne voie. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça, c'est ce qu'on souhaite. C'est la couleur qu'on veut. Oui. Par la suite, il y a la fameuse couleur jaune éclatant. Oui. Vous êtes quasiment, là, quasiment néon, quasiment... électrique, jaune électrique. Radioactif. Oui, quasiment radioactif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que peur. La plupart du temps, c'est là qu'on va commencer à avoir peur. C'est là qu'on va dire « Ah, ça va pas bien, mon urine est jaune flash. » J'ai passé trop de temps devant le micro-ondes, je sais pas pourquoi. C'est ça. Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui fait en sorte que ça va pas? Bien, sachez que c'est tout simplement la vitamine B. Qui est très, très, très concentré dans votre urine. Pourquoi? Eh bien, ça va être un concentré de riboflavine. Qu'est-ce que la riboflavine? C'est une vitamine qui est nécessaire pour la transformation des éléments simples en énergie dans votre corps et c'est ce qui régularise aussi le métabolisme de tous vos muscles. Lorsque vous allez avoir l'urine jaune fluo, si on peut dire ça comme ça, c'est tout simplement que votre corps va rejeter l'excédent de vitamine B et de riboflavine qu'elle a dans le corps. Donc, de ce côté-là, si exemple, vous avez pris, je sais pas moi, des suppléments parce que vous vous entraînez, que vous consommez beaucoup d'œufs, de produits laitiers, ça se peut que vous ayez un trop-plein de riboflavine. Et si vous prenez aussi des suppléments de vitamines, ça se voit beaucoup. Là. Exemple, le matin, on veut renforcer nos os, on va aller s'acheter à la pharmacie des vitamines pour les os, justement, pour renforcer tout ça, le système immunitaire, des vitamines de calcium ou peu importe. Eh bien, sachez qu'un des premiers ingrédients que l'on va retrouver dans ces vitamines-là, c'est la riboflavine, la fameuse vitamine B2. Eh bien, sachez que lorsque vous allez en prendre plus, c'est normal de voir votre urine devenir un petit peu plus jaune éclatant. C'est parce que votre corps rejette l'excédent dont il n'a pas besoin pour régulariser tous vos muscles. C'est pas parce que votre coloc vous a donné un petit light stick à boire pendant votre sommeil. Non, partez pas en peur, partez pas en peur. C'est pas parce que vous avez abusé de quelque chose d'autre non plus. C'est pas lorsqu'il y a un abus, mais c'est vraiment lorsque vous allez changer quelque chose à votre alimentation ou que vous allez manger, exemple, vous allez prendre plusieurs vitamines. Bien là, vous allez voir, c'est tout simplement normal. C'est comme l'overflow. Okay. C'est le corps qui va rejeter ce qu'il n'y a pas besoin. Riboflavine, oui. Jaune-brun. Un jaune-brun, non, ça, j'ai jamais vécu comme, ça. Ouais, hein? Jaune-brun, style... couleur de jus de pomme naturel. Ah ouais, OK, pas, ouais. Pas encore brun. Du rouge mont, là. Mais vraiment, là, on reste dans le jaune-brun. Il y a encore une bonne idée de couleur jaune dedans. Eh bien, c'est le dernier stade des couleurs dites normales dans l'urine. Ça m'a fait peur. Sachez-le. Ouais, okay. Donc ça, c'est le dernier stade des couleurs dites normales. Mais ça veut pas nécessairement dire que vous êtes déshydraté. Bien souvent, on va dire « Oh mon Dieu, mon urine est vraiment foncée, je suis déshydratée, go, go, go, faut que je bois. » Non, ça veut tout simplement dire que vos reins ont conservé votre urine peut-être plus longtemps que la normale. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les reins sont « formés », entre guillemets, sont conçus pour garder l'urine un certain temps à l'intérieur d'eux-mêmes pour justement, pas que vous soyez tout le temps déshydraté. Parce que s'ils ne laissaient pas l'urine dans les reins, bien ça ferait en sorte qu'on serait en quelque sorte tout le temps à la salle de bain en train d'éliminer de l'urine, en train d'éliminer cette hydratation-là normale de notre corps qu'on a. Et à ce moment-là, on aurait des problèmes de déshydratation. Donc, si votre urine est de couleur jaune, brun un petit peu, ça arrive bien souvent le matin. C'est tout simplement que pendant la nuit, peut-être qu'avant d'aller vous coucher, vous avez pris une grande consommation d'eau ou de tout simplement d'un liquide quelconque. Puis le matin, lorsque vous allez vous réveiller, c'est que vos reins les ont vraiment gardés toute la nuit et là, pendant une durée plus longue que la normale, donc il se serait permis en théorie. Et ça va faire en sorte que vous allez uriner de façon plus foncée, tout simplement. Ah ben, donc, si ça sort avec de la pulpe... Avec la pulpe, faut lâcher le jus d'orange dans ce temps-là. Ah, c'est ça, OK. Ça, si ça, là, par exemple, si ça vous arrive plusieurs fois par semaine, si vous voyez que vous vous levez un matin, vous avez cette fameuse couleur-là, vous vous levez un autre matin, vous avez encore cette couleur-là, si ça vous arrive plus que deux fois par semaine, commencez à vous poser des questions et peut-être pensez à aller consulter votre médecin. Parce qu'à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que c'est vos reins qui n'ont pas un très bon fonctionnement de l'élimination d'urine ou si c'est tout simplement parce que vos reins vont les garder trop, va garder l'urine longtemps en dedans d'eux, disons ça comme ça, eh bien là, c'est vraiment le médecin qui va faire la distinction. Donc, réfléchissez à toujours garder le nombre de fois que ça vous arrive par semaine et c'est là que vous allez commencer à avoir peut-être la puce à l'oreille si quelque chose ne va pas nécessairement bien. Okay. Parce que je le répète, c'est le dernier stade des couleurs dites normales dans l'urine. Donc, si, ça se peut par la suite que ça tombe dans les dommages. Si votre pipi est sur les murs, c'est que vous êtes en train de marquer votre territoire, ça? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ou votre chum fait à votre place. <C'est ça. rire> Donc, comme je viens de le dire, ça, c'était la dernière étape des couleurs dites normales dans les urines. Les prochaines, c'est peut-être celle qui pourrait vous donner la puce à l'oreille que quelque chose ne va pas nécessairement bien. Il va y avoir du sang là-dedans, je pense, moi. La couleur brun, ça arrive parfois que vous allez uriner et ça va être brun. Eh bien, sachez que c'est associé à la myoglobinurie ou la présence de myoglobine dans l'urine. Qu'est-ce que c'est exactement la myoglobine? C'est une protéine que l'on retrouve dans les muscles. C'est une protéine qui va venir vraiment aider les muscles à être plus forts et à conserver surtout cette espèce d'enveloppe-là autour d'eux. Donc, qu'est-ce qui arrive si vous avez votre urine brune et que, en fait... Moi, je serais déjà à capoter là, de voir que mon urine est rendue brune. Eh bien, sachez que c'est probablement que vous souffrez de rhabdomyolyse. Qu'est-ce que la rhabdomyolyse? C'est un dommage qui est causé aux muscles. C'est la fibre musculaire qui va mourir petit à petit et qui va être relâchée dans le système sanguin. C'est pas très rassurant. C'est pas très, très rassurant. Comme je l'ai dit, c'est brun. Donc, automatiquement, vous devriez comme avoir la puce à l'oreille. Quand c'est brun, c'est mal. C'est ça. C'est censé être jaune en temps normal. Donc, si c'est brun, posez-vous la question. Mais si vous voyez que c'est brun, c'est que sachez qu'il y a de grands risques de dommages aux reins par la suite. Si vous voyez un matin que vous voyez c'est brun, l'autre matin c'est encore brun, eh bien là, commencez à appeler votre médecin et avoir un rendez-vous peut-être le plus rapidement possible, parce que ça se peut que ce soit tout simplement, comme je le disais, la fibre musculaire qui est en train de mourir et qui est relâchée dans votre système. Et si vous êtes rendu peut-être plus loin par rapport à ça, eh bien là, c'est peut-être vos reins qui sont affectés. Donc, c'est important de garder ça en tête lorsque vous allez à la toilette. Allez chercher des reins segments. Oui, bon. Peut-être pas non plus. Mathieu, si je te dis couleur d'urine bleu? Verte, hein? Orange, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai l'impression que quelqu'un a bu trop de saveur de slush différent. Ah, ça pourrait être ça, ouais. Mais en fait, sachez que sur le coup, vous avez le droit de capoter, parce que moi aussi, je serais du genre à capoter. Et même la docteure qui est citée plusieurs fois dans l'article dit « Il y a de fortes chances que vous capotiez sur le moment si vous voyez que c'est bleu, vert ou orange. » Mais c'est probablement parce que vous êtes en train de suivre un traitement pour infection urinaire. Donc, vous savez déjà, votre médecin devrait vous avoir mis au courant. En théorie, votre médecin ou la bouteille de pilule que vous consommez devrait être écrite que la couleur de l'urine va probablement changer. En fait, si ça devient bleu-vert, sachez que c'est probable... Pardon? Sachez que c'est probablement à cause de l'uribelle. L'uribelle, qu'est-ce que c'est exactement? Baburibelle. Ben oui, c'est ça! C'est une médication qui est utilisée pour traiter justement les symptômes d'infection urinaire et d'irritation dans le système. Et ça contient en fait tout simplement du bleu de méthylène. OK. Méthylène, oui. Oui. C'est difficile à dire, c'est ça. Ça contient du bleu de méthylène et en fait, ça va tout simplement venir colorier votre urine. Colorier au crayon de cire? Ben, ça vient vraiment colorier parce que c'est comme une espèce d'encre. Oui. C'est comme une teinture, en fait, aux médicaments. Et là, ça va, vous allez comme vous réveiller, vous allez faire comme « Oh, OK, c'est bleu-vert, je suis un extraterrestre. » Je suis une pieuvre ou dans ce cas-là, une pipienne. Une pipienne. Oui, peut-être de la planète pipi. Ouais, oui, c'est bon. Ça, exact. Donc, de ce côté-là, c'est l'Uribelle qui va vraiment, si vous allez vous-même le savoir, c'est probablement la médication que votre médecin va vous avoir prescrit. Mais sachez qu'à ce moment-là, c'est parce qu'en théorie, vous souffrez d'une infection urinaire. Donc, mais vous êtes déjà au courant. En tant que tel, là, ils ont manqué leur opportunité juste pour rire. Il devrait y avoir juste pour rire les gags médicaux. Ce serait vraiment drôle, tu sais, les gens proches de mourir, puis il y a des gags genre le docteur. Ah, c'est normal, ton pipi est supposé être bleu parce que c'était pas un test. C'est vrai. Ben oui, ouais. Si c'est orange, par contre, sachez que vous êtes traité avec de la faut que j'y aille avec mon petit carton, là, parce carton, que c'est. Ouais. C'est très long comme terme. Vous êtes traité avec de la phénazopyridine. Qu'est-ce que la phénazopyridine? Eh bien, c'est tout simplement un analgésique qui va venir faire la même chose. C'est dans les traitements d'infections urinaires, dans les irritations. Et là, ça va venir vraiment colorier votre urine orange. Okay. C'est un effet normal de ces médications-là. Et ça va surtout, sachez-le, disparaître lorsque votre infection urinaire va avoir diminué et disparu de votre système. Donc, lorsque vous avez, exemple, vous êtes traité pour une infection urinaire, vous voyez que vous êtes soit bleu, vert ou orange le matin ou à n'importe quelle heure de la journée, eh bien, lorsque vous allez voir qu'il y a une diminution de cette couleur-là, c'est parce que votre infection urinaire est en train de disparaître de votre système. Donc, c'est un bon signe. Dans les deux cas, sachez que vous faites consulter aussi votre médecin si vous voyez que vous êtes très, très concerné par la couleur. Si vous voyez que ça devient vert, bleu, éclatant, eh bien là, c'est peut-être parce que l'infection urinaire, elle est trop présente. Ouais. Donc, il faudrait consulter à nouveau votre médecin. Et peut-être qu'il va doser le médicament de façon différente. Ou prescrire une petite poudre. Tu mets ça dans la toilette, tu mets ça dans des petites coupes, puis ça fait oui. du jello au frigidaire. Ah, ouais. Peut-être. J'y avais pas pensé, tu vois. Ouais. Mais il y a certains aliments aussi qui font en sorte que votre urine va changer de couleur. Là. Comment ça s'appelait dans le temps? C'était comme de la poudre. Du Kool-Aid. Oui. Si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien, ça faisait changer la couleur de votre urine ben, aussi. Voyons donc. Oui, si tu buvais le bleu bleu bleu très éclatant là, t'allais à la toilette après puis c'était un petit peu c'est plus n'importe bleu. Oui. Quoi. Ça devenait comme vert ouais, un peu. Ouais, c'est ça avec le genre. Oui, exact. Wow. Si c'est rose ou rouge, eh bien sachez que c'est peut-être parce que premièrement, vous mangez trop de betteraves. Okay. Ça, c'est une possibilité. Il y a vraiment aussi beaucoup, beaucoup de cas où ça peut tourner rose ou rouge. Mesdames, si vous êtes dans vos menstruations, c'est tout simplement peut-être que c'est... Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste comme ça. Par contre, dans la pigmentation, sachez que il peut y avoir aussi beaucoup de sang. Et là, c'est pas relié à la femme et ce qu'elle vit à chaque mois. Tu parles de la pipigmentation. Oui, c'est ça, je parle de la pipigmentation. C'est peut-être aussi une décoloration qui ne devrait pas être nécessairement alarmante. Sachez que si ça devient orange, c'est peut-être tout simplement que vous changez votre alimentation petit à petit. Par contre, c'est sûr que lorsqu'on dit « c'est rouge, il y a du rouge dans mon urine », en temps normal, ça devrait sonner une cloche que peut-être que vous avez une infection urinaire, peut-être que vous avez quelque chose qui ne va pas nécessairement bien du côté soit des reins ou du côté du système, tout simplement système sanguin ou quoi que ce soit. Donc, consultez à ce moment-là. Appelez, quand, même si vous appelez juste le 811, c'est le 811, hein? Info santé. Info santé, il me semble que oui, 811. Oui, ouais. 811, si vous décrivez ce qui s'est passé, les couleurs et si vous avez des douleurs aussi, bien sachez qu'ils vont être en mesure de vous aider de ce côté-là. Mm. Et c'est comme ça peut-être que vous allez pouvoir déceler, merci, que vous aviez une infection urinaire grave. Parce qu'on le sait, il y a plusieurs stades d'infection urinaire. Donc, si vous êtes rendu au stade, si vous avez attendu, ça peut très bien mener à un saignement quelconque et là, ça va faire très mal et ça va prendre beaucoup plus de temps aussi à éliminer de votre système et à régulariser. Donc, faites attention de ce côté-là. Si vous voyez que vous avez des maux de ventre puis que votre urine change, bien, sachez que même messieurs, vous pouvez avoir des infections urinaires. Ça arrive. Alors, faites attention de ce côté-là. Superbe! Hey, ça me rend heureux, cette chronique-là. Happy pee! Hey, sérieusement, il n'y a pas beaucoup de fois où ça peut être très, très grave. Donc, sachez-le, on est du style à beaucoup s'alarmer rapidement. Paranoïer, oui. Oui, paranoïer. Surtout à cause d'Internet. Mais exactement. Ouais. Donc, sachez que si c'est brun, ça va pas bien. Si c'est rouge, ça va pas bien. Si c'est vert, bleu et orange en temps normal, vous devriez savoir que vous avez déjà une infection urinaire parce que c'est à cause de la médication. Et si ça commence à être jaune-brun, faites attention. Simplement gardez un œil sur ce qui se passe avec vous. C'est tout simplement vos muscles peut-être qui vous lancent des petits signes. Et voilà. Voilà. Ah, merci Tania. Ça fait plaisir. Ça me rappelle que brun, ben, c'est la couleur de l'amour. Ah c'est oui, bon? Hein? Assemblage requis. Une course light en après-midi de pluie. Six packs de brou, oubliez que je m'ennuie. Deux, trois pintes avec mon chum mimé. Assis au bord, on est prêt à s'oublier. Oh non, je veux rien savoir. Quand en plein jour, j'ai peur du noir. Quand je suis sans traque avec la gueule qui shake. Le dick à broil, pis cerveau à bake. Mais t'as le goût et pis t'as soif. T'as envie d'en prendre plein la face. Salut Rangan, c'était un autre jour de pluie. J'suis capitaine de mon propre ennui. J'ai de la marde dans la bouche. Plus j'y pense, moins je peux m'en rappeler. C'est le mois de décembre ou bien le mois de mai. Mais tout coule, tout recommence. Plus t'approches et plus ça t'avance. Tu flottes quelque part dans un océan de bière. Pourquoi tu ris? Aujourd'hui c'est comme hier. Mais t'as le goût. T'as soif, t'as envie d'en prendre plein à la face. Salut Rangan, c'était un autre jour de pluie. J'suis capitaine de mon propre ennui. Bras, la couleur de l'amour. Bras. Si demain matin il déclare des élections, moi puis lui on vote pour toi.

Grimes, Flesh Without Blood, à Assemblage requis. Avant de continuer avec ce qu'on disait tantôt dans la chronique de Jimmy Thibodeau, j'avais oublié de vous lire la célèbre citation de Abraham Lincoln. Ah, ben oui, celle-là. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet juste parce qu'il y a une photo avec une citation à côté. Abraham Lincoln. Il est concis. Retour de la pause, c'est dans les coulisses de la huître avec Gabriel Béhoud. Un autre barbu, il ressemble vraiment, c'est comme le Abraham Lincoln des jeunes. Ah, c'est vrai. Vous êtes assez fou. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage requis, on se mardi 20... Oh, Colin! On a de la misère ce matin! Je sais pas aujourd'hui, la fatigue et le doucement n'arrêtent pas. Ça va bref, pas. On est mardi, à 23 février 2016, et Tania Baudin... Avec Mathieu Plante! Oui, et on l'a présenté tantôt comme étant un des pères fondateurs de l'humour oui. Au Québec, à Trois-Rivières. Yvon Deschamps? Non, malheureusement, non. C'est Gabriel Béhoud. Oh my God. Le Abraham Lincoln de l'UQTR. C'est même pas un des pères fondateurs. Non? Non. Bon, tu t'es fait ma blague. C'est quoi le bar? Qu'est-ce qu'il fait déjà? C'est un président américain. C'est le président américain durant la guerre de sécession. C'est okay. Lui qui a déclaré, dans le fond, l'émancipation des esclaves noirs. Donc, t'es comme le président de l'humour et celui qui fait rire les noirs. Ah, c'est trop de choses. Trop de choses en même temps. Ouais. Gabriel Béhoud, dans les coulisses de la lutte. Allô? Allô? Lincoln, il était plissé. Ouais. Il avait une verrue, je pense. Oui. Il avait un gros nez. Probablement en plus que je pense où tu t'en vas, là, mais continue. Non, c'est juste ça qu'au moins il avait une belle coupe de cheveux, fait que les filles, ça pognait pareil. Oui, bien sûr. C'est ça. Ça, c'est important, une coupe de cheveux. C'est important. Et une barbe. Ah! Et un nœud papillon. Ça dépend des saisons. C'est vrai. Parce que là, c'est comme à la mode. Là. Qu'est-ce que tu penses des nœuds papillons? Ça fait longtemps que c'est à la mode, par exemple. Hein? Ouais, mais il n'y a pas une barbe, il n'y a pas une longue barbe, il y a une barbe bien taillée, c'est un vrai. Peu comme Gab Béhoud. Ouais, moi, c'est parce que là, je suis en processus. Processus de série? Non, de. Changement de définir ma vie. Ah, ok. T'as vu, Tania, il est comme. T'as dit dans ton article à un moment donné, la barbe rousse, là, c'est lui. Ouais, ça. C'est vrai, c'est moi, c'est vrai. Ouais. Barbe rousse, c'est cheveux. Follicule facial roux. Tu veux que je te dise pourquoi? Vas-y donc. Ou tu m'avais écouté? Vas-y donc. Ok, c'est parce que t'as un gène de roux, mais simplement un. Ah! En temps normal, ces deux chromosomes font que les roues sont roues. Mais là, ça veut dire que t'en as juste un dans ton juste, corps. Juste une chance. Écrime. Hey, Gabriel. On s'éproche d'être roues. T'es en train de mettre à dos notre public de roues. Ben quoi? Ils sont nombreux. Ne les insulte pas. C'est comme 95 000 auditeurs. À l'écouter, il y en a au moins une dizaine, sûrement. Au moins. Des roues? Clairement. Ben oui. Des vrais de vrais poils de carotte, moi j'en connais peut-être. Ben tu vois, si t'es connais pis qu'il y en a trois, imagine ceux que tu connais pas, hein? Ouais, c'est vrai. Puis que tu viennes d'insulter. C'est ça. De façon gratuite. Ouais, mais ils savent. Il a insulté aussi la moitié de sa face. J'ai gelé tout one punch, anyway. Hier, il y avait pas les rouges. Non. Il y avait par contre les oranges et les verts. Oui. Pour un match de la Luître à 20h à la Chasse-Galerie. Malheureusement, notre reporter sur le terrain n'était pas disponible. Ben non. Il était en train de se raser, je pense. Probablement. C'est ça. Ça arrive. Donc on n'aura pas de ou faire autre chose. Donc on n'aura pas de reportage de sa part, mais on peut en parler toi et moi. Allons-y. Quand même de ce match entre les oranges et les verts, arbitré par Élodie Mongrain. Oui. Toujours la madame enseignante de l'impro. Bien sûr. Toujours aussi plate avec ses mots, t'as dit pénalité. Ah, ça se peut dessus, hein. Il y en a eu de toutes les sortes, là. Des pénalités pour cabotinage, entre autres. Oui, bien sûr. À Célan et à Nadia. Nadia. Des retards de jeu en masse. Oui, bien sûr. Ouais. Il y en a une à Zwicky. Est-ce que tu te rappelles celle directement imposée à Zwicky comme pénalité? Mon Dieu. Retard de jeu. Ouais. Retard de jeu, deux à crime. Il n'y a eu que des retards de jeu, presque. Oui, mais souvent, c'est une. une qui est récurrente, là, ouais. Cette pénalité-là. Non, respect de la carte thème une fois. Sinon, oui, il y en a eu quand même pas mal, mais c'est pas, mm-hmm. ça n'a pas fait expulser le joueur. Non. Ça a changé le score. Ben, en fait, je pense pas que ça ait affecté le pointage final. Non, parce que je pense qu'ils se sont chacun donné un point. Oui, c'est à peu près ce que je vois dans le petit tableau en bas de la page. Donc, qui c'est qui a fait ça? Marc-André Marion Flamand, il est tight du score. Ben oui, ben oui. Tabarnouche. Ça finit donc 10 à 4. Ouais, pour les verts. Les verts, exactement. Mm-hmm, mm-hmm. Exactement. Verts qui sont. En tout cas, qui, aux dernières nouvelles, étaient en troisième place sur quatre dans le palmarès des ouais. équipes de la lutte. Oui, oui, oui. En dernière place sont les Oranges, qui ont joué aussi hier, mm-hmm. qui ont perdu encore leur match. Malheureusement. Ils sont à 8 parties jouées jusqu'à maintenant, et 3 victoires, 5 défaites. Ah, les deux autres en haut? Les Bleus sont à 5 victoires, 2 défaites. Oui. Les Rouges sont à 4-4. D'accord. Et Verts à 4-4 aussi. D'accord. Voilà, mais ils ont tout le monde a joué 8 parties jusqu'à maintenant. Là, en ce moment, en date d'hier, non, j'imagine pas d'hier, sûrement du précédent match, on est à 8 parties jouées pour tout le monde. Mm-hmm. Ouais. Et là, on arrive en semaine de relâche. Oui. Donc, la semaine prochaine, on va se retrouver avec un match spécial. Oui, on accueille la MIT, si je me trompe pas. Je crois que oui, c'est l'équipe de Shawinigan qu'on est allé... Exactement, on est allé visiter, dans le fond, au temps... voyons, j'en ai dit, au temps d'une pinte. À la Diable. Oui, exactement, voilà. À la Chapoisbasso. Wow. Eux, généralement, ça va c'était des duos qui se produisent durant une soirée de temps. Là, ils vont se déplacer à Trois-Rivières. Je présume qu'ils vont avoir une équipe de 4 joueurs, comme notre ligue, en fait. Oui. Donc, nous, on a été... chez eux, donc on s'est présenté en duo. Eux vont devoir se présenter en quatuor, une équipe en fait. Ouais. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que quand t'as l'habitude de jouer deux pendant 2 heures, généralement t'as quand même les nerfs aiguisés, donc à 4 ensemble, ça devrait être pas mauvais. Nous, quand on est allé jouer au Mythe à Shawinigan, il y avait, bon, une thématique de joueurs Joker. Ouais. Là, j'imagine qu'il n'y aura pas ça parce que c'est les règles de la lutte. Non, c'est ça. Je pense que ça va être un match de la lutte comme régulier, ben, mais spécial. C'est ça. C'est oui, ça. C'est ça, classique. Oui, tout à fait. En passant, je viens de voir, là, live, là, je sais pas si c'est nouveau, là, mais ça fait longtemps que j'en parle. Je trouve ça vraiment cool. C'est marqué maintenant les dates des prochains matchs sur le site. Oui, ça, enfin. À place de tout le temps écrire, bon, rouge contre vert comme prochain match, mais tu sais pas si c'est à jour ou pas. Maintenant, c'est marqué 7 mars, rouge contre vert. Là, tout le monde le sait. C'est clair. C'est rouge contre vert le prochain match? Le prochain match, le 7 mars. Donc, au retour de la relâche. Au retour de la relâche, alors que là, c'est marqué 3 mars, 8 contre 8. Mais c'est parfait. Il reste maintenant seulement à changer le classement pour être marqué en date du telle date. Exactement. Une chose à la fois, une fois par année. Ben oui. Action-réaction. Exactement. Bref, prochain match, comme tu l'as dit, après la relâche, ça fait quand même loin. Oui. Parce que le match contre le Mythe va être un jeudi. Oui, exactement. Donc, ben, en l'espace de 4 jours, au moins, on va avoir 2 matchs à la Chasse-Galerie. Ouais. Mais non, c'est clair qu'il y a une longue pause entre le prochain match de la Mythe. Et puis... Cependant, notre équipe se déplace au Bedonden. Parmandon. À Montréal, oui. Ils vont affronter la... mon Dieu, le nom m'échappe. La Ligue d'improvisation du Bedonden, la LIB. Oui, dirait ça. Ben voilà. Oui, la LIB. C'est aussi simple que ça. Eux, c'est une ligue plutôt de prendre... le style qui est en improvisation de type gravelienne, c'est le style... Eleni et tout, là. Exactement, donc de hockey. Eux, ils ont préféré y aller avec le baseball. Donc eux, ils se promènent avec des petits baseball t-shirts, là, des manches 3/4, si on veut. Et puis, par contre, je sais pas, dans le concret, qu'est-ce que ça change dans leur match. Mais ceci étant dit, on a une équipe qui se déplace au Bedonden à Montréal. Donc, s'il y a des gens qui, pour une raison X, jeudi, redescendent à Montréal ou se pointent à Montréal, ben, si vous voulez passer une belle soirée, déplacez-vous là. C'est une très bonne ligne d'impôt aussi, la Libre. On les a déjà accueillis ici. Là, oui, ils sont franchement très, très drôles. Ça, c'est ce jeudi. Ouais, c'est ce jeudi. Je pense que je vais être là, même. Arrête donc. Arrête-moi donc ça. Pas vrai. Je pense que oui. Tu restes? Je pense que oui. Arrête donc. On m'a offert ça. Oh. Ouais, tu sais, les offres qu'on m'offre. Ben. J'ai fait oui, madame. Ben, c'est sûr. C'est ça. T'as pas de radio le vendredi en plus? Non, en plus. Et viens. Ils servent ça à manger au Bedonden. Sûrement. Ah, bon, sinon, ils portent mal le nom. Ben, c'est ça l'affaire où je vais me remplir le Bedonden. De ben, poulet. Hein? C'est, ouais, c'est. De poulet. Ouais. Ça, c'est-tu bon, les gars? Les ailes de poulet. Lesquelles, quelles saveurs, vous autres, mettons, miel et ail, piquante? Muy piquante. Muy piquante. Talia, elle piquante, elle de poulet. Pas piquante. C'est les poivres? C'est les poivres. Ah, c'est bon, c'est les poivres. Ben oui. Non. Je prends soit nature. OK. Pas de ou sauce. Ou légèrement épicé. Ou sauce à part pour pouvoir juste te tremper le petit doigt dedans. Mon Dieu. Ah, c'est beaucoup ça pour moi. Ouais. Ben, moi, je prends tout le temps. Moi, je regrette souvent le choix d'avoir pris les plus épicés. Ils sont trop épicés. C'est pas le fun à manger. Non, sur le coup, c'est délicieux. Oui, c'est trop bon. Sauf qu'à 2h30 dans la nuit, tu te réveilles, t'es là. Oh, nom de Dieu, j'aurais jamais dû prendre ce truc. Puis t'as des brûlements d'estomac en amphénol. Tellement. Puis moi, ça me fait tout le temps ça. Tu sais, puis quand t'es intolérant au lactose, tu peux pas boire du lait pour éteindre le feu. Non, c'est ça. Hein? Mange la salade. Mange la salade. Mmh. Ben, ouais. Du Gaviscon. Du Gaviscon. Ben oui. T'arrives avec ta canisse de Pepto-Bismol. Ben, okay. Bonjour, je vais prendre 24L de plus lent. Ben, prends-les moins fortes. Ben non, mais il y a deux sortes. Forte ou elle. Aïe et miel, excusez. Elle. Aïe et miel, tu sais, je mangeais ça quand j'étais petite. Aïe et miel. Ben, c'est ça. Ça c'est quand même bon. Ça quand, jusqu'à temps que t'aies 7 ans. Puis là, ouais. À un moment donné, tu deviens un homme, t'apprends à faire c'est des ça, changements d'huile puis à manger des ailes piquantes. Ouais, comme un vrai macho, macho c'est man. C'est si bien dit. Tellement bien. Oui. Mais je sais, là, moi, je prêche tout le temps pour Pure Pizza Hut. Là. Mais ils font des morceaux de poulet, là, miel et ail, là, sans les os. Mm-hmm. Maudit que c'est bon. C'est comme pour les paresseux, un peu, dans le fond. Ah, c'est délicieux, mais ça fond dans la bouche. Mais c'est parce que tu sais que Mathieu cuisine pas. C'est vrai, Mathieu. Mais, toi, tu cuisines? Tu cuisines pas partout, non? Mathieu? Ah, moi, je cuisine un peu. C'est quoi tes recettes préférées? Je fais une excellente sauce à spaghetti. Bien. J'ai même mon ancien colocataire que je vais nommer Clépinzen. M'a déjà dit, et je répète, ta sauce à spag est meilleure que celle de ma mère. Oh, le traître! Oh! Ah, ouais, ah, ouais. Ça m'a le renié depuis. Il vient, ah, ouais, c'est sûr, il vient d'être nommé en plus. Il peut retourner chez ses parents, là, tu sais. Ah, okay. Donc, non, mais ma sauce à spag est pas mauvaise. Sinon, des côtes levées, j'en fais des papilles. Ah, miam. Dans mes préférés, ça, des côtes ouais, levées. Ah, mijoteuse. Ah, miam. Facile, là. Ben oui, facile. C'est vrai. Très facile. Sinon, ben là, plein de petites affaires, là. Des guettis. Ouais. C'est ça, c'est genre ce que Mathieu se fait. Ouais, des œufs. Des œufs, des green cheese, des pâtes, comment ça. Tania, toi, oui. Ta recette préférée? Que tu fais toi-même. Que j'ai fait moi-même. Je vais avouer que j'aime beaucoup les salades repas, les grosses salades que l'on peut mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Et des chunks de poulet. Ben, du poulet. Okay. Du porc. Ouais. Du veau. Du bacon. Du lapin. Du kangourou. Sinon, du couscous. Ah, oui, ça, c'est avec bon. Viande à l'intérieur. Avec ouais. Viande? Avec viande. On faisait ça en appartement, mes colocs et moi, et c'était vraiment succulent. Succulente. Succulente, muy picante. Ouais. Ouais. Eh ben. À Star, qu'est-ce que t'aimes que ta maman fait comme recette? Ma mère, elle cuisine pas. Ben, je pense que c'est de famille, ça. Ah ouais? Ah. Je pense que c'est de famille. Mais là, sa meilleure recette, t'en as sûrement une. Et mon père non plus. Non, c'est ça, j'ai pas des parents qui cuisinaient, ben. Ah. C'est très, très basique. Mon père, genre, sa plus grande recette, c'était genre une soupe aux tomates. Genre. Ouais, non, je pense que c'est vraiment famille. Une crème de tabac. Ouais. C'est pour ça que je suis bien, bien impressionné par Sodexo et leur excellent service. Désespoir! 13$ par assiette. Ouais. C'est terrible. Toi, c'est Gab, c'est quoi la recette de ta maman? Moi, c'est une recette de ma mamie. Ah ouais? Ouais, c'est sa sauce à spag. Non, c'est je dirais son gâteau à rhubarbe. C'est ah, ouais. Si bon. C'est côte levée. C'est genre ta grand-mère qui fait des côtes levées. Moi, j'ai mis au micro-ondes 3 minutes et elles sont excellentes. Non, mais. Puis je pense aussi ces galettes à amelas. Ah, c'est si c'est bon, des galettes à amelas. Ouais. T'as l'impression de vivre en 1920 quand c'était un luxe, ça, des galettes à amelas. Ils recevaient ça à Noël. Là. Est-ce que vous achetez de l'amelas en perlingot? Lâche, jamais. Hey, ma mère fait ça, mais moi, je déteste l'amelas. Dégueulasse. Hein. La seule affaire qui est bon avec l'amelas, c'est des galettes à amelas. Ouais. Bon, qui met ça, c'est des galettes à raisin, c'est des malades mentales. Ouais. Bon, avec... On dirait que Jean-François Mercier. On dirait, c'est fort. On dirait que, tu sais, comme le goût c'est est bon. Beaucoup trop agressant. Il y a plein de gens qui se noyaient là-dedans. C'est sûr. Ah ouais, c'est comme ça mouvant. Mais les produits de l'érable sont sortis en épicerie. Ils ont fait leur petite cabane à sucre dans le milieu de l'épicerie. Et puis, moi, on dit que tout a l'air bon là-dedans. J'ai envie de faire une grosse pointe en dresse les jeudis, la chronique qui est alimentaire. Tout coûte 16 000. Ça. C'est ça, tout coûte 16 000. Ça va me prendre un budget de fou. C'est aussi cher que les produits bleu lavande. Bleu lavande. On s'en avait du rack l'autre jour. J'ai fait le saut. Ça existe encore, ça, bleu lavande. T'as genre 12 millilitres d'essence de lavande. 22 piastres. Ah ouais. C'est de la lavande, tu sais. C'est très cher. Mais c'est comme chez Lush, là. Tout sentait tellement mauvais, mais tout était tellement cher. Lush? Lush, le magasin de petits savons bulles pour le bain. Tu sais, le Lush. Tu connais pas? J'ai jamais comme une somme, moi. On s'en achetait avant, là. Tu pensais que c'était sans peste. Attends, là, ils viennent Grimby. Sorel, hein, oh boy, insulte-moi pas, Grimby. Hey, insulte-le pas. Oh boy. Grimby, c'est une des pires villes que j'ai visitées toute ma vie. Pour vrai, on était faire cégep en spectacle là-bas. Il n'y a rien à Granby. C'est dégueulasse. Il y a un zoo, c'est à peu près ça. Un zoo. Il y a un magasin de feux d'artifice là, proche des lignes que tu peux aller acheter des les feux d'artifice, c'est incroyable. Ouais. Mais sinon, pour Granby, un bras. Rien à faire, là. Qu'est-ce qu'on a fait à CJ par spectacle, donc? Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait gagné la finale de Soirée Tracy. Soirée Tracy en spectacle? Ben, cégep de Soirée Tracy. OK. C'est finale locale de cégep en spectacle. Avec un sketch qu'on reprenait 4 fois. Donc, par exemple, c'est un jeune qui se levait le matin. Là, il disait bonjour à son père, blablabla. Il se brossait les dents, disait bonjour à son père, prenait son lunch, s'en allait à l'école. Ouais. Ensuite, on refaisait le sketch à la façon d'une émission sportive. Donc là, on avait comme un overdub qui jouait dans le cégep, dans le théâtre. Préfète d'avance. Exactement. Ouais. Préfète d'avance. Et puis c'était 2 commentateurs sportifs qui commentaient le fait comme quoi qu'ils mettaient en... Il mettait en échec la gingivite, en tout cas, tu sais, des bonnes blagues de sport. Ensuite, on le faisait à la manière d'un film d'horreur, puis ensuite à la manière d'un film porno. Wow! Ouais. Puis là, ben moi, qui jouais le rôle du père, était remplacé par une de nos amies qui était comme en déshabillé. Puis lorsqu'elle versait son bol de céréales, il y avait comme ultra trop de jouets sexuels qui tombaient de la boîte de céréales. Fait que on avait réussi à gagner. Puis le plus drôle, c'est qu'on l'avait fait en état d'ébriété avancée. On était vraiment magané. C'est comme de l'impro, mais scripté. C'est ça? Ouais, exactement. C'est drôle. Donc là, c'était en plein... Ben en fait, c'était... C'est basé sur un sketch d'impro que vous aviez vraiment fait, j'imagine? Non. Non. Ben, si on veut, c'est comme un peu une catégorie à la manière 2, ouais. Qu'on reprend 4 fois. Mais les gens avec qui j'avais fait, on jouait tous en impro secondaire ensemble. Ouais. Donc, on s'était bien amusé. Et puis, le comble du comique, ben, c'est qu'on s'était appelé les moins drôles. Non, c'était les moins bons. Hey, les deux sont drôles. Okay, les moins bons parce qu'on s'était dit, si jamais on gagne la finale locale, on s'en va au régional, puis lorsqu'ils vont nous appeler sur scène, ça va être... Tu sais, nous autres, on s'était pensé. Là, ça va être... Ils vont caler les moins bons du cégep de Sorel Tracy. Comment ils ont foiré, ils ont envoyé les moins bons. Puis là, nous autres, on se trouvait vraiment original et drôle. C'est drôle. C'est d'ailleurs le nom de mon équipe de COSOM cette année. Ah ouais. Wow. Comme ça, les gens, quand ils checkent leur horaire, ils font comment à soir, on joue contre les moins bons. Là. Pas dur à battre, là, ben, non, y a le moral à terre. Aussi, exactement. Ben, ouais, c'est ça. Ouais. Puis les débarques, on est comme dans basket spatial. Oh, Space Jam, Confiture de l'espace. Excellent film. Mais ça. Hey, c'était. C'est v'là 2 ans. J'ai pogné le combo à Télétoon avec mon ami. On revenait d'une soirée festive. Puis on était bien. Ouais. On s'était couché très tard. Fait qu'il était comme 2h l'après-midi. Puis c'était les films à Télétoon. Ouais. On a pogné le combo de Chef Mathieu. On a eu droit à Petit Soldat et Space Jam. Petit Soldat, c'est lequel ça? Petit Soldat, c'est les jouets là, avec Alan. Comment il s'appelle dans son famille? Tu sais, c'est les Gorgonites contre les. T'as jamais vu les ça? Des petites affaires vertes en figurine? Non, pas du tout. C'est comme si c'était des nouveaux jouets avec des microprocesseurs. Ben là, ils deviennent méchants puis ils se font vraiment la guerre. Waouh, non, c'est pas du tout. Là, les Gorgonites, eux, sont comme des créatures bizarres qui sont du côté des humains. Ah, ouais. Bon, là, moi, ça reste de s'animer un peu, ça, c'est ça? Ouais, c'est comme Dieu, un film d'animation. Oui, ok, je sais de quoi tu parles. En anglais, c'est Small Soldiers. Ah, parce que dans la télévision, en anglais, j'ai des films qui n'ont même pas de dessin animé dedans, rien. Mais, ouais, là, je comprends. Ouais, ouais. Puis, en tout cas, là-dedans, il y a une des meilleures répliques de tous les temps. C'est sûr que les gens qui ont vu le film s'en rappellent, là, c'est le gentil qui s'appelle. Comment il s'appelle, non? En tout cas, je me rappelle plus de son nom. Il demande au petit gars, il dit. Quel est ton nom? Il dit Alan, toi la ferme. Je lui réponds bonjour, Alan, toi la ferme. Oui. C'est vraiment comique en tout cas. Et là, ouais, c'est ça. Faut l'avoir vu, tu comprends. Est-ce que vous vous rappelez du film qui avait des mini humains qui vivaient dans les murs? Un Indien dans le placard? C'est ça? Il y avait une émission de télé là-dessus aussi, non? Des mini humains qui vivaient dans les murs. Ça dit quoi au bout de ça? Oui, ça me fait ça quand je prends pas mon lithium. Le film commence, puis là, tu rentres. Hey, je pense que c'est ça, l'Indien dans le placard. Pas pire, hein? La cassette, elle venait qu'une clé pour ouvrir la boîte. Arrête donc ça. Ben non. C'est ça? Un Indien dans le placard, c'était pas pire. Je suis pas certaine que c'est ça. Toi, tu tapes un Indien dans le placard, puis genre, la 13e photo, c'est genre Jésus-Christ. Descends. Wow. Check bien ça. Là. Ça fait là. Je ne pourrais te dire. Nazareth. Quelle mauvaise traduction. Cupboard. It's the Indian in the cupboard. Le cupboard, là, c'est une armoire, pas une penderie, pas un placard. Non, je sais pas. Mais ça se passait vraiment dans un mur. Puis le film commençait, puis on rentrait dans le mur, puis là, il y avait des boutons de couture, puis tout ça autour. J'ai jamais vu ça. Moi, vous vous rappelez pas de ça? Ben, si non. C'est pas un Indien dans le placard, je sais pas de quoi tu parles. Ah. Eh bien, on va chercher sur IMDB ceux qui aiment l'indice On m'envoie l'information, les mini-pouces. Les mini-pouces? Les mini-pouces. C'est quoi ça sert? My God, t'as des recherchistes. C'est pas pire, hein? On a aucun budget, mais plein de recherches. C'est bonhomme, ça? Ça, c'est un dessin animé, ça. Ouais. Ouais. En tout cas, bref. M-I-N-I-P-O-U-S-S. Là, Mathieu, c'était quoi ton meilleur film de jeunesse? Colin, je sais pas. Space Jam, faut que t'avoues que c'est un excellent. J'avoue, ça, je l'avoue. C'est un excellent film. Ou Frame Roger Rabbit, c'est pas possible. Ou c'est, j'allais justement dire Roger Rabbit, je veux dire c'est ça. C'est malade, ce film-là. Vraiment, c'est super bon. Ah ouais, oui. Je veux le regarder, là. Ben, moi, je l'avais jamais vu jusqu'à 2-3 ans. Ah ouais. Puis je l'ai écouté, puis c'est somptueux, ce film-là. C'est excellent. magique. Bref, tout ça pour dire qu'on a pris beaucoup de détours pour la lutte dans les coulisses de la lutte. Oui. On rappelle le 3 mars, le match contre le Mythe, c'est ici à la Chasse Galerie, jeudi de la semaine de relâche. Mm-hmm. Et ensuite, le lundi 7 mars, 20h, quand j'aurai régulière, c'est les Rouges contre les Verts. Oui. Hey, en plus, ma belle-mère va peut-être être là, Mathieu. Qui? Ma belle-maman. Ah, j'ai entendu Marc Bellemare. Chantal, bonjour Chantal. Probablement à l'écoute. Et Chantal ma Carignan. Mais non, c'est pas Carignan son nom. C'est pas moi, ta mère. C'est Stanhope. Comment? Stanhope. Comment? Stanhope. Comment? Stanhope. Ok, Stanhope. Ouais. Stanhope. Ouais. Wow. C'est donc bien bilingual. Ouais, je sais. Super, ça. Mm-hmm. Et ouais. Merci, Gabriel. Hey, merci à vous. T'es fin, t'es Ah, mais beau, là, arrête. Hey, Mathieu, tu mets-tu une chanson? Ouais, veux-tu choisir ta propre chanson? Oui, j'aimerais ça que tu mettes la chanson thème de l'ancien compte qu'on l'a pas entendu. Ah, oui, vu que la petite chronique de Gabriel est en train d'habitude, c'est ça qu'on entend tous les matins, puis. Ben, tous les matins. Tous les mardis, là. Moi, c'est moi qui l'entends tous les matins. Y a-t-il une version longue de ça? Il y a une version longue de ça. Oh ouais. J'aurais jamais pensé. Ouais, c'est une vraie tune. Waouh, sur l'album Lance et Compte volume 2. C'est devenir un héros. Je te le graverai. Merci Gabéo, la semaine prochaine lundi à 8h30 mardi. À la semaine prochaine. Jusqu'au bout. Alors prends les devants, n'aie pas peur. tu appelles au secours. Hors de temps, trois mouvements. C'est pareil comme toutes les chansons thèmes du monde. C'est Pokémon, c'est les intrépides, c'est l'heure, c'est con. C'est fou, hein? Musique originale, devenir un héros. Et il y a la version en anglais, We Are All Heroes aussi, que j'aimerais entendre d'ici la fin de l'émission. Mais après la pause, ce sera Louis-Philippe Quentin et la chronique du journal Zone Campus. Restez là. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Most of the time, you keep on trying, wherever you go, but life's not easy. You have to do more and more, again and again. Je le refrain. Nothing to prove, nobody. Ça va être là. C'est malade. Ah, j'avais pas le choix, je voulais l'entendre en anglais. Même, je suis un curieux, moi. Bref, c'est le moment de parler de vraies choses, dont des sports, mais pas des sports aussi mainstream que l'équipe du National dans l'ancien con. Non, on parle des gens locaux, des Patriotes de l'UQTR. Ça et leur spectacle et les actualités dans le journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Zone Campus, le journal des étudiants de l'UQTR, et on reçoit Louis-Philippe Quentin, le rédacteur en chef, pour en parler. Bonjour à toi. Bien le bonjour. Ah, bien bonjour. Donc, Zone Campus, c'est le numéro 12. Il en reste pas beaucoup, hein. Il en reste 4 après celui-là. Ouais, il y a une 4. Eh oui. Donc, en couverture, on retrouve Adam Strangler au Café Frida. On en reparlera une fois rendu en art et spectacle. Commençons par les actualités avec le nouveau recteur de l'UQTR, Daniel McMahon, qui est bien décidé à prendre les rênes de l'université. Effectivement, c'est le jeudi 11 février dernier que le nouveau recteur de l'UQTR faisait un point de presse devant les légendaires cubes. Oui. Une des seules choses à l'UQTR, en fait, qu'on est capable d'identifier seulement d'un mot. Oui, absolument. Tu dis aux gens, on se rejoint au cube, c'est clair pour tout le monde. Voilà. C'est très clair. Ouais. Donc, Daniel McMahon qui disait qu'il ne voulait plus entendre le mot problème sur le campus, mais plutôt le mot défi. Ok, je pensais qu'il est remplacé pour un synonyme genre trouble ou... Non, défi, semble-t-il que... Thésaurus! Semble-t-il qu'il est positif pour l'instant. Ben, on souhaite que ça continue comme ça. On le souhaite. Évidemment, Alexandre Carignan signe le mot de la rédaction, cette fois-ci Lemire, sur... Lemire. Qu'est-ce que tu dis? Carignan. Excuse-moi. Bref. Donc, apprivoiser le temps et son titre. La hausse des frais de scolarité pour les étudiants internationaux, il y a le début d'une mobilisation en ce moment. Effectivement, parce que sachez que les étudiants internationaux qui paient beaucoup déjà de frais de scolarité pour ceux qui n'ont pas des bourses risquent de voir leur facture monter de 4 à 5 000 $ par année. Ouh. Donc c'est pas tout le monde qui est nécessairement content. Donc, nouvelle journaliste Marie Labrousse s'est entretenue. En fait, non. C'est pas entre Lucas et Sébastien qui font une émission ici. Se sont entretenus avec Guy Haïssi et on a pondu un article à ce sujet-là suite à l'entrevue qui s'est passée ici où Guy Haïssi nous explique ce qu'il trouve déplorable, c'est que peut-être que maintenant les étudiants vont être choisis pour leur portefeuille plutôt que leur qualité intellectuelle. Voilà. Il devrait être journaliste à Radio-Canada, Guy Haïssi. Comme ça, il pourrait dire Guy Haïssi, Haïssi Radio-Canada. Ça serait drôle. Ensuite, la loi sur la lutte contre le tabac. On est même sorti dehors à l'extérieur pour prendre une photo de la pancarte d'un cendrier, tellement qu'on est sur la nouvelle. Les règlements se durcissent sur le campus. Effectivement, donc la loi du 9 mètres s'applique de manière plus rigoureuse qu'avant. Contravention de 250 à 750 $ qui peut... Wow! Ouais, 750 $ pour fumer une cigarette. Aïe, aïe! Puis évidemment, la loi inclut maintenant le vapotage. C'est ça la grosse différence. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ici, au pavillon Néré-Beauchemin, j'ai pas vu de cendrier proche de la porte d'un 9 mètres, il me semble. Non, effectivement. Faut se rendre très loin. C'est ça. Bref. Sinon, On a la recherche à l'UQTR, qui est un segment récurrent du journal, cette fois-ci sur les maux de dos, amélioration des manipulations vertébrales. Voilà, Isabelle Pagé, qui est doctorante en chiropraxie, s'intéresse aux manipulations vertébrales. Mais pas seulement pour guérir le patient, mais elle cherche à savoir, en fait, comment on fait pour... comment les vertèbres interagissent entre elles pour, justement, pour faire en sorte que lorsqu'on craque le dos d'un patient... Ça se place. Elle veut savoir plutôt le pourquoi que de mettre en pratique. Parce que c'est ce que j'ai appris en lisant l'article, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose nécessairement que les chiropraticiens savent tant que ça. Okay. Ils connaissent les résultats, mais le procédé en soi, qu'est-ce qui se passe dans la colonne vertébrale, ça, ils ont de la difficulté encore à saisir ça. Dans son éditorial, Lucas Hubert est toujours aussi original et il va cette fois-ci avec un exercice de style sur un poème. Donc, il nous fait un poème à double interligne. Voilà. C'est original. Qui s'intitule « La cigale et le jambon », qui est en fait un pastiche très intéressant de la cigale et la fourmi. Oui, on l'avait deviné. Voilà. Ensuite, on continue avec le chantier de construction au pavillon Albert Rainguet. Une vingtaine de nouveaux locaux pour des professeurs. On a déjà vu le chantier du côté du pavillon, c'est quoi, Albert Tessier, en avant du poste du service de messagerie, où on est rendu avec un corridor à peine large pour une personne de taille normale, baroblique santé. Hein? Ouais. Ouais. Donc, c'est le même concept, pas exactement le même concept, mais on a fait des travaux au quatrième étage aussi. OK. Donc, je sais que quand vous prenez l'ascenseur, vous prenez les escaliers principaux du pavillon Rainguet, vous arrivez à une place où il y a beaucoup de tables et un arc d'études. Là, c'est des bureaux de professeurs. Okay, ben. Ah, fait qu'il n'y a plus d'air pour étudier. Ben pas sur cet étage-là. Il y a un autre étage en dessous où vous pouvez le faire. Par contre, au quatrième étage, c'est maintenant impossible. Cependant, le responsable aux communications, Jean-François Hinz, nous explique qu'il croit que c'est plutôt bon signe. Étant donné que ça veut dire qu'il y a des nouveaux profs, donc plus d'étudiants. Ah, cool! C'est effectivement pas négatif. Sachez également que c'est une genre de construction qui peut être temporaire. Donc, si vous voulez étudier là encore et que éventuellement il y a moins de profs, ben c'est quelque chose qui s'enlève. C'est les célèbres bureaux avec que tu peux regarder en dessous du mur. Ça? Parce que je sais qu'il y a un pavillon à un moment donné où tu peux regarder en dessous du mur parce que les murs c'est comme un mur genre pas amovible mais. Ah ben je peux aller voir en fait encore, ouais. Mais je crois que c'est quelque chose dans ce genre. Ouais, c'est spécial quand même. Bref, tout ça pour dire que bravo à eux. Hein? Et félicitations. Monsieur Heinz, là, je suis sûr qu'il a dit ça très sincèrement. Sincèrement, ouais. Ouais. dans les chroniques maintenant. L'Enverdeur, la chronique environnementale sur les changements climatiques, une question de gaz? Une question de gaz. Oh, excuse-moi, ok, moi je le dis. Faut le dire comme Charles Patton. Ouais, c'est ça. Gaz. Gaz. Donc, oui, pas Lucas, mais Lugamo plutôt. Du campus. Mais plutôt Anthony Potier, champagne du campus, nous explique la différence entre changement climatique et réchauffement climatique. Parce qu'aujourd'hui, on va utiliser le terme changement climatique. Oui, c'est ça. Plutôt que réchauffement. Ouais. Parce que. Les grandes variations climatiques qui se déroulent en ce moment peuvent causer une glaciation. Donc, c'est pas nécessairement un réchauffement. C'est pas nécessairement un réchauffement. Non, ça parce force que... les gens à faire des mauvaises blagues dehors. Ben, il neige dehors, ouais, puis votre réchauffement de la planète, lui, là-dedans. C'est exactement. Genre. Donc, ça vient un peu atténuer cette espèce de préjugé-là. Exactement. Donc, c'est ce qu'il nous explique. Tout à fait bien dit. Dans la petite vite, la chronique sexual, c'est Marie-Ange Perrault qui nous raconte sa vie. En fait, son titre, c'est « Le sens d'une vie, je suis lesbienne et alors? » Voilà, Marie-Ange qui nous parle d'homosexualité et des préjugés qu'on y accorde. Donc, elle explique que c'est pas nécessairement un fait qu'il y ait beaucoup d'homophobie, c'est-à-dire au Québec. Donc, on n'est pas une province nécessairement très homophobe. Ça veut pas dire nécessairement qu'on n'a pas d'œillère par rapport à la chose, qu'on n'est pas fermé à certaines idées. On pense par exemple à la fameuse phrase « Moi, ça me dérange pas, mais faites pas de ça devant moi. » Ouais, ou ça, certains de mes amis sont homosexuels. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, je suis pas homophobe, j'en connais des homosexuels. N'importe quoi. Donc, elle a démystifié un peu les préjugés autour de ça. Absolument. Et pour terminer en actualité, le CA de la GEQTR retourne sur des enjeux. Voilà, donc il y a eu un CA de la GE, comme à l'habitude, bien des choses ont été discutées. J'en profite simplement pour rappeler qu'en fait, c'est les élections qui commencent. Oui, les affiches sont partout en ce moment. Voilà. Voilà pour les actualités, on passe en société et loisirs avec Tania. C'est Kevin Gaudreau qui revient entre les deux pôles avec « S'asseoir et prendre pour acquis ». Oui, Kevin Gaudreau, donc, qui s'attarde cette fois-ci à aux acquis en fait que l'humain prend. Mm-hmm. Donc dans plusieurs en fait situations, on pense par exemple aux relations humaines, que ce soit en amitié, en amour. Donc c'est vraiment des points sur lesquels on prend beaucoup de choses pour acquis dans bien des cas. Également en santé. Donc nous jeunes fringants que nous sommes, nous croyons tous être invincibles. Exactement. Donc ça c'est prendre pour acquis. Oui. Est-ce que je crois ça, je ne sais pas. Dur à dire. Ouais. Donc, également, on a certaines idéologies qu'on peut prendre pour acquis, donc des opinions dont on ne déroge pas. Ah, bien vrai. L'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles, dormir, manger, étudier. Que faire à ce point-ci de la session où tout le monde est dans le jus, de un, et également, lorsque personne ne veut sortir, parce qu'on sait que l'hiver, souvent, on a tendance à s'enfermer. C'est par là Christina qui nous suggère certains endroits, certaines activités. Par exemple, le café Mauvais Perdant. Je sais pas si c'est quoi. Ah Daniel. Non, j'ai aucune idée. C'est un café de jeux de société, en fait. Ils servent également des drinks, pas nécessairement alcoolisés. C'est une ambiance assez smooth avec des employés. Dans le fond, c'est en collaboration avec Frimousse. OK. Puis les employés... t'aide à comprendre les jeux de société qu'il y a sur place, puis tu peux aller là avec des amis, ça te coûte 5$. Ben mon Dieu, c'est merveilleux. Non, ça a l'air vraiment plaisant, sincèrement. C'est une place que je vais probablement essayer. Mm-hmm. Christina nous parle également de Mike Aventure, aller faire de l'escalade sur glace, donc comment faire des activités extérieures le fun d'hiver, autre que la raquette, ou que le ski, qui est parfois très coûteux, on s'entend, qui demande beaucoup de temps. Également, elle nous suggère certains restaurants assez originaux pour aller déjeuner, tels que le Il Circo, la Bainerie Chic, ainsi que le Panetier. Yam! Jean-François Veilleux revient avec « Je me souviens au pouvoir citoyen ». Bref, introduction à la sociologie cette fois. Voilà, donc Jean-François Veilleux qui nous explique qu'il s'intéresse à bien des sujets, dont la sociologie, et qu'il trouve déplorable qu'il n'y ait plus de programme en sociologie à l'UQTR. C'est pourquoi il nous introduit au sujet dans sa chronique. Et bien sûr, à la page 10, on retrouve les loisirs, caricatures d'Alexandre Laramise Wiki, sudoku, jeux, mots croisés, mots mystères, etc. Vous allez avoir beaucoup de plaisir dans cette section. Quelle section divertissante, ma foi! Ouh là là! Maintenant, on a un spectacle, on commence avec la lime et la lutte qui se sont affrontés en deux matchs, des surprises acrobatiques à en revendre. Ouais, Mathieu, tu seras le premier à pouvoir me dire que ces matchs étaient fort intéressants. Fort, fort, fort. Moi, je me souviens particulièrement d'un moment, j'ai pas pu en parler avec le joueur Béoud qui était présent... Tout à l'heure. qui a fait une blague sur le Zone Campus. Oui, oui, je me rappelle. Il a pointé du doigt Jean-François Veilleux qui fait la chronique l'improvisation littéraire à la lutte en deuxième partie de match. C'est ça, il a dit, dans le fond, c'est une parodie d'une conférence de presse. Puis il a dit, bon, Jean-François Veilleux du Zone Campus, blablabla. Puis je prendrai en considération vos propos lorsque vous travaillez pour un média qui est lu. C'est très drôle. C'était une blague. Mm-hmm. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Très. Je me bidonne. ensuite, ça a fait la couverture du journal. Encore une couverture musicale, n'est-ce pas, hein, Louis-Philippe? Je suis désolé. Adam Strangler qui était au Café Frida le 13 février dernier. Donc oui, Adam Strangler, groupe de Montréal, cependant, dont plusieurs des membres viennent de Trois-Rivières. C'est un groupe bien connu, donc... ici, spectacle qui était vraiment agréable, en fait. Spectacle de musique psychédélique en bonne et due forme avec un show de boucan. Tout ce qu'il faut pour partir dans une sorte d'hypnose sonore. C'était vraiment fun. Il y a un nouveau journal étudiant qui vient de commencer. C'est le facteur d'opportunité pour les écrivains émergents. Voilà, donc je te corrige vaguement. C'est pas qu'il vient de commencer. Il y en a un à chaque année, en fait. C'est juste qu'il en sort seulement un. Seulement un par année. C'est organisé par les étudiants en littérature, puis c'est fait pour publier des textes de création. Voilà. Donc, vous avez jusqu'en avril pour envoyer des textes, en fait. Ensuite, le journal sera publié. Eh ben voilà. On continue toujours en arrêt spectacle avec le Tipitac. Concrétisation du projet du Tipitac. Ouais, donc... on avait déjà eu un article lorsque le Tipitac était sur le point d'ouvrir. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qui arrive avec cette salle de spectacle? Déjà eu quelques spectacles que j'ai eu l'occasion de voir. Il y a également des soirées assez intéressantes qui s'appellent les Mardi Jam, où les musiciens amènent leurs instruments. Puis c'est un peu comme une soirée d'improvisation, mais avec des instruments de musique. Donc, fort intéressant. Ça commence à gagner en popularité. Également, d'autres spectacles sont annoncés, tels que les 8 Babins, Philippe Seyss, bluesman ontarien... assez connu, je vous dirais, c'est quand même un gros un gros nom, sincèrement. Ainsi que Uprising, qui est un hommage à Muse, qui prend également pas mal de galons de ce temps-là. Donc, avec d'autres noms, évidemment, qu'on n'a pas le droit de dévoiler au journal, que je crois que le propriétaire n'avait pas le droit de dévoiler non plus, qui s'en viennent. Donc, semble-t-il qu'il va y avoir des gros noms. Soyez à l'affût. C'est tout ce que je peux dire. De leur page Facebook, entre autres. Voilà. Philippe Brac était au Centre culturel Pauline Julien le 12 février. Ouais, j'y étais également. Oh. J'avais envie d'aller voir Philippe Brac, qui m'a étonné par son charisme sur scène, mais également par la quantité de fourrure qu'il avait sur scène, pas sur lui. Mais il y avait des modules d'effet, son pied de micro, tout était recouvert de fourrure. Preuve qu'il aime beaucoup les animaux. C'était vraiment intéressant. Puis sachez aussi qu'il a passé le spectacle en kimono. Ah. Il revient du Japon. Fait que ça donnait assez drôle, tu sais, chanson québécoise en bonne et due forme, mais le gars chante avec un kimono. Faisait très plume la traverse, m'entends. Ah ouais. Et juste à côté de la publicité du Centre culturel Pauline Julien, qui m'a fait recevoir un appel pendant la pause du match d'impro hier, je te jure, à genre 9h, j'ai reçu un appel de la compagnie qui imprime le Zone Campus pour me dire « J'ai un problème d'impression en page 15. Il y a un bug, je pense que la photo est corrompue. C'est voulu. C'est la pub du Medicayenne Club. Oui. C'est de l'art. C'est de l'art. Je lui ai dit que c'était accidentellement voulu. C'est très drôle. Vous regarderez ça en page 15. C'est vraiment très drôle. Juste pour l'anecdote, page 15 du Zone Campus. Bref, à côté de ça, il y a aussi la 12e finale de QTR en spectacle, l'université bourrée de talent. Oui, donc rappelons que les gagnants de cette finale régionale sont Christelle Pousse, qui est un duo de d'ombre chinoise. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En chronique maintenant, chronique de lunatique, on commence avec toi, Louis-Philippe. Manifeste pour l'éclectisme culturel. Yes, Mathieu, c'est exactement ça le mot. Donc, en fait, oui, je parle en fait de cet éclectisme culturel qui, j'ai l'impression, qu'il manque au Québec. L'article m'est comme venu en lisant un article sur Anatole où. Anatole, qui est en fait un groupe de Québec, dont vous pouvez entendre la chanson à chaque fois que vous avez une pub, disons, Campus. Ah, c'est quoi le nom de la chanson? Si les gens veulent la chercher, maintenant. Mon La La Land. Ah, wow. Voilà, donc, c'est un groupe. C'est un groupe très, très théâtral, en fait, Anatole. Puis le chanteur nous expliquait qu'il trouvait ça plate, en fait, qu'on attende toujours le prochain Bernard Adamus, le prochain chanteur qui nous confie des affaires. On attend toujours le prochain Dédé Fortin. Puis. À ça, je dis, n'attendons pas d'être américain pour se faire notre Jim Morrison. Ouh. Poétique, ça, c'est poétique. Voilà. C'est bien dit. C'est la fin de ma chronique. Donc, continuons avec une autre chronique. C'est celle d'Annabelle Deschênes-Gagné. C'est Curiosa dans Vision d'Anna cette semaine. Voilà, j'étais curieux de lire cette chronique c'est lorsque drôle. J'ai vu le titre. J'en reviens pas. Et j'ai été heureux d'apprendre qu'Annabelle nous parle de littérature érotique. Ah! Oh. Voilà, mais on s'éloigne de Fifty Shades of Grey. OK. Ah, j'espère. Et plutôt, nous parle de la littérature érotique dans l'histoire, mais aussi de la littérature érotique au Québec. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler. Mais elle nous parle aussi du manque de littérature érotique au Québec, qui prouve que peut-être on est un peuple qui a été beaucoup ostracisé par la religion pendant longtemps. Ce qui fait en sorte que... on n'a pas une littérature érotique vraiment, vraiment... Développée comme en France, par exemple. Wow! Ça, et la chronique de sexe cette année, je ne sais pas ce qui se passe dans ce journal-là. Le monde se rebelle. Le journal, c'est moustille. Voilà. Et pour terminer, c'est la petite ténébreuse, Michèle Robitaille, comme toujours. Et elle nous parle d'une série que j'ai absolument adorée, que je ne peux pas assez recommander. Deuxième saison qui vient de se terminer, The Nick. Voilà, ben, j'ai pas vu la série, semble-t-il, que c'est une série... Historiquement, je dirais... Une fausse série. And medicine. Ouais, c'est ça. Donc, une fausse série sur le vrai hôpital, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est super réaliste. C'est vraiment bien fait. C'est bien écrit. C'est sombre, très, très sombre par moment. C'est pas une série où tu vas rire ben, là. Mais ça te fait penser, c'est le fun. Bref, The Nick. C'est à conseiller. Voilà. Écoutez ça. Voilà, ça, c'est tout pour les arts et spectacles. Il nous reste seulement les sports avec Tania. Eh bien oui, on passe du côté universitaire. Je pense qu'on commence toujours par le hockey universitaire en sport, mais cette fois-ci, une édition qui passe à l'histoire. Et oui, les Patriotes qui se mettent à battre tous les records. Donc, 24 victoires lors d'une même saison. L'ancien record de 2009-2010 a été établi à 23. Donc, oui, on a dépassé cette barrière-là. Également, sachez que c'est avec 49 points qu'ils ont terminé leur saison, comparativement à 2009-2010, où ils terminaient avec 48 points. Cependant, Marc-Étienne Hubert nous rappelle que les records, c'est une chose, c'est bien le fun. Mais nous, nos objectifs en série, c'est de remporter les championnats et ainsi que la coupe, et non de faire des points. Cependant, ça reste que c'est fort agréable. Ben oui, c'est fort agréable de réaliser qu'on est l'équipe qui a battu le plus de records. C'est bien plaisant. Certainement. On parle aussi de boxe avec François Pratt, un sans faute dans sa carrière professionnelle. Voilà, donc je sais pas si vous vous souvenez de François Pratt, dont on avait déjà parlé, qui est également étudiant en communication sociale à l'UQTR. Donc, un boxeur qui, après avoir accompli 90 combats en amateur, est devenu boxeur professionnel. Maintenant, il vient de faire un match à Gatineau. Il a encore gagné. Sachez qu'il ne se perd pas gagné par KO, mais bien par décision des juges. Mm-hmm. Quand François Pratt se décrit comme un joueur très technique, plutôt qu'un gars qui fonce dans le top. Ah! Fait bien. Ouais, en effet. Louis-Philippe Carbonneau nous parle encore une fois du hockey universitaire. Conclusion de la saison 2015-2016 des SUO. Les Pats, deuxième au pays. Voilà. Donc, en plus d'avoir établi tous ces records-là, sachez que lors de leur dernier match, les Patriots ont gagné 6-5 face aux Stingers, 3-2 face aux Ravens. Et qu'ainsi, ils finissent au deuxième rang en fait, du top 10 canadien derrière les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Donc, deuxième au pays. En plus de battre plein de records, sincèrement, ils ont le vent dans les voiles, les Patriots. En effet. Profil de joueur, on parle de Sébastien Auger à la page 21. On parle encore une fois d'hockey universitaire. Les Patriots accèdent au deuxième tour des séries. Voilà, donc numéro presque spécial hockey, tellement ça va bien d'un côté. Donc, Sébastien Auger, qui nous est décrit par Marc-Étienne Hubert dans cet article comme un joueur au même titre que François Pratt, très technique, très calme dans son filet, qui a fait bien des choses pour l'équipe cette année. Et au hockey universitaire, comme je disais, on passe au deuxième tour des séries. Ils vont être ici au Colisée samedi à 16h, si jamais ça vous intéresse. Bien sûr. On parle aussi de joueuse à entraîneur pour Sabrina Lévesque-Bouchard, qui est un profil d'entraîneur. Et on parle aussi de soccer universitaire, une dure année pour les Patriotes, selon Chloé Lebreveux. Voilà, exactement. Voilà, c'est dit. Ah, c'est clair, ça. Les sports et le Zone Campus qui se termine comme ça. C'est le volume 11, numéro 12, en kiosque du 23 février aujourd'hui, en milieu d'avant-midi, pardon, jusqu'au 7 mars prochain, en kiosque sur le campus de l'UQTR, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, principalement au centre-ville, mais il y en a vraiment partout. Des nouveaux points, entre autres le Café Frida, des Zones Campus dorénavant. Donc, effectivement, ça se peut que je m'en ai déjeuné là, si vous voulez venir jaser, journal. Hey, c'est un événement, ça, un événement qui n'arrive jamais. Jamais. Déjeuner au Frida pour Louis-Philippe. Jamais. C'est quelque chose de très rare. Sauf une fois par jour. Okay. Quand même pas une fois par jour. Il y a quand même des nuances. Des fois, je suis pas levé à l'heure du déjeuner. Fait que... Des fois, tu manges des toasts pour souper aussi. Des fois, je soupe là. Mais sache, Mathieu. Oui, dis-moi en plus. Qu'il y a des tacos. Oui. Qu'il y a des chili cheese fries. Est-ce qu'il y a des enchiladas? Non, il y a pas d'enchiladas. Est-ce qu'il y a des quesalopas? Non. Non. Bon, des tacos. Mais il y a sincèrement le meilleur falafel que j'ai mangé de toute mon existence. J'ai jamais mangé de falafel de ma vie. Ben, tu devrais commencer au Café Frida. Tu parles d'une affaire, toi. On dirait une publicité payée. Ils nous doivent maintenant des milliers de dollars. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils me payent pas? Pour dire ça, peut-être. Ah, on sait pas. En effet, Louis-Philippe qui travaille quand même sur un projet vidéo avec eux. Il y aura sûrement l'occasion de nous en reparler, mais le projet Tsunami. Ah, il devrait avoir de quoi dans le journal à ce sujet-là bientôt. Fait que, Ah, ben, quand ça, le gars qui utilise les ondes. C'est pas mon projet, donc j'ai le droit d'en parler. Objectivement? Je suis sûr. Sûr que oui. Je vais juste pas me nommer. C'est ça. Voilà. Bon, bref. Je me nommerai à radio. Parfait. On fera ça. Yes. Louis-Philippe Quentin, rédacteur en chef du journal Zone Campus. On te lit aux deux semaines dans le Zone Campus version papier et sur zonecampus.ca. Et on like la page Facebook du Zone Campus pour en savoir plus. Et on se quitte avec une pièce que tu nous as mentionnée tantôt. C'était pour ça le hasard de te demander le nom de la pièce. Voici ton band, Anatole. Yes. Mon Lala Land. Salut. Salut. Thank you. La pièce Mon Lala Land. Assemble à Vrocky. C'est là-dessus que ça se termine pour l'émission d'aujourd'hui. Anatole, en passant, le chanteur, c'est le même chanteur que dans Mauve, un groupe qu'on adore ici, assez fou. Donc, bref, Anatole, voilà. On remercie, bien sûr, Louis-Philippe Quentin de Journalisme Campus. On remercie Jimmy Thibaudeau pour sa chronique dans le monde que ça se passe, ainsi que Gabriel Béhoud pour Dans les coulisses de la Luitre. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. À 11h, bien sûr, le dîner de con avec Danny Janvier pour joindre l'inutile à l'agréable. Ensuite, à 13h, la rediffusion de Rock de Neurones. À 15h, nous serons de retour pour les paroles assez fous avec le top 40 de la semaine. Ensuite, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. J'aimerais bien qu'on se quitte avec une pièce que j'aime. Mais à la place, on va se quitter avec une pièce que j'ai pas le choix parce que j'ai envie de l'entendre au complet en anglais. C'est la chanson de tantôt, We Are All Heroes. Oh. Puis bonne journée. Bonne journée. Bon café, comme tu dirais. Ah oh oui, bon pas café. Pas te voler ta phrase, mais... Non, non, on s'en va, ça en prendre deux, trois, back à back. À demain, 6h30. À demain. Most of the time. it's not.